Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le mépris de Jean-Luc Godard. L'histoire d'un film qui se fait et d'un couple qui se défait. Réalisé au printemps 1963, Le Mépris est le sixième film de Jean-Luc Godard. Génie emblématique et controversé d'un cinéma moderne, défendu depuis la fin des années 50 avec ses compagnons de la Nouvelle Vague. De film en film, ils bâtissent ensemble les mythes d'une génération, celle d'une jeunesse triomphante qui se moque bien du cinéma de papa. L'école buissonnière d'Antoine Doinel, la coupe garçonne de Gene Seberg, les corps figés d'Hiroshima, mon amour, la beauté de Serge, autant d'images en noir et blanc qui ont fait le succès des jeunes turcs. Mais en 1962, après 4 ans d'euphorie et quelques centaines de films, les échecs commerciaux se succèdent. En tête du naufrage, Les Carabiniers de Godard. Mais il n'en est pas à sa première révolution, alors il va tout changer. Avec Le Mépris, il rêve d'accomplir son fantasme du film hollywoodien 5 millions de dollars. Ce sera 5 millions d'anciens francs et les studios romains de Cinecittà. Mais qu'importe. Il introduit la couleur, le formascope et fait jouer la plus grande star de l'époque, Brigitte Bardot en inoubliable Camille. Voici donc l'histoire d'un tournage et d'un film mythique, Chant du cygne de la Nouvelle Vague. Notre invité aujourd'hui, le critique et réalisateur Alain Bergala, spécialiste de l'œuvre de Jean-Luc Godard, il nous attend à Marseille. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Bientôt. Sur 7 écran. La femme. L'homme. L'Italie. Le cinéma. Avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. L'Alfa Romeo. Le musical. La statue grecque. Le revolver. Le nouveau film traditionnel de Jean-Luc Godard. Attention. Action. Juillet 1963. Le tournage du Mépris est terminé depuis à peine un mois que Jean-Luc Godard présente déjà une première version du film à quelques privilégiés, producteurs compris. Tout au long du mois de juin, dans l'obscurité d'un studio romain, le réalisateur et sa monteuse Anne Guillemot ont assemblé les 149 plans du film, soit 3 fois moins que pour son premier long-métrage à bout de souffle sorti en 1960. 3 ans et 4 films plus tard, Jean-Luc Godard dévoile avec Le Mépris un récit plus lisible, plus serein aussi, dans la veine des grands classiques américains qu'il aime tant. Parmi les premiers spectateurs, le réalisateur François Truffaut, camarade, cinéphile et compagnon de la Nouvelle Vague. Le Mépris, écrit-il, est l'un des meilleurs Godard, un film très simple, lumineux, mélancolique et beau. Présent à ses côtés, le directeur de la Mostra de Venise, Luigi Cariani, est lui aussi très séduit. Un mois avant l'ouverture du festival, il l'invite officiellement à présenter son nouveau film. Voilà. Le pari semble gagné pour Jean-Luc Godard, qui voulait absolument terminer son film à temps pour Venise. Une ambition personnelle, mais aussi stratégique. Car il sait très bien que cette première version ne passera jamais auprès de ses producteurs. Mais avec cette sélection, il a un argument de plus pour les convaincre. Face à lui, 3 hommes pour une coproduction internationale. Le français Georges de Beauregard, son fidèle producteur, l'italien Claudio Ponti et l'américain Joseph Levin. À la fin du visionnage, pas de surprise, c'est la douche froide. Claudio Ponti n'aime pas le film. Joseph Levin, lui, ne le comprend pas. Et tous les deux se retrouvent pour exiger 3 scènes supplémentaires, au début, au milieu et à la fin. Des scènes d'amour, sans fausse pudeur. Ils veulent la voir nue. Qui donc ? Brigitte Bardot, bien sûr, l'actrice principale du Mépris. Sa moue boudeuse, ses cheveux blonds, ses mini-jupes, elle leur a coûté assez cher, près de la moitié du budget du film, alors ils exigent de voir ses fesses. Pouf, Godard s'y attendait. Et c'est pour cette raison que Fine Mouche, pendant le tournage, il a enregistré quelques scènes de nus, à contre-cœur. À vrai dire, la plus grande vedette du cinéma français, sexe symbole planétaire, le laisse de marbre. À son assistant réalisateur et avec la bienveillance qui le caractérise, il dit à Charles Witch « Bardot est moche, elle est moche, et ses seins dégringolent, c'est pas possible. » Alors non, Godard ne tournera pas de scène supplémentaire. Et le bras de fer commence. Les producteurs refusent que le film aille en l'état à Venise. Godard, le facétieux, réplique en prenant à témoin la profession. Dans les pages du film français, il s'excuse 24 fois par seconde auprès du directeur de la Mostra. Puis, mi-septembre, il propose une nouvelle version, remontée au hasard, dans le désordre, irregardable. La provocation ne passe pas. Les producteurs s'emparent des négatifs pour faire leur propre montage. Tandis que Godard interdit le film en France, seul pays où le droit d'auteur sur la copie finale est garanti par la loi, il adresse un télégramme à ce qu'il appelle Mussolini Ponti et King Kong Levin pour que son nom soit retiré du générique des versions italiennes et américaines. Moche ou pas, Bardot le soutient, solidaire. Alors, en septembre 1963, Godard retourne en salle de montage tout seul. Ce qui est hors de question pour Corleponti. Il envoie son représentant à Paris pour l'en empêcher. Eh bien, Godard le gifle en pleine rue. Un geste pour lequel il sera condamné 2 ans plus tard. La pression est décidément trop forte. Excédé, le réalisateur finit par céder. Il s'engage, par écrit, à ajouter, je cite, « des scènes sexy ou érotiques, aussi bien que faire se peut ». Et sur demande du producteur américain, il envoie un script extrêmement détaillé des 3 scènes, quasiment plan par plan. En contrepartie, Godard double tous ses tarifs. Ils veulent voir le corps de Bardot, qu'il paye. À la fin du mois de novembre, toute l'équipe du Mépris retourne en studio à Boulogne-Billancourt, à l'exception du chef opérateur Raoul Coutard, retenu sur un autre tournage. 30 ans plus tard, le 15 mars 1994, son remplaçant Alain Levent revient au micro de France Inter sur ses quelques jours de tournage épique. Jean-Luc Godard m'a donné des directives très précises pour le plan, la lumière qu'il voulait, le dosage de la pénombre. Et là, j'en menais pas large parce que autant éclairer une scène de jour, on prend pas trop de risques. Mais il voulait des choses très très précises. Et là, il y avait des choses très drôles. Il y avait dès le premier jour derrière la caméra les 2 producteurs. Qui était derrière la caméra, parce que je pense que ces gens-là étaient persuadés que moi, j'étais, comme j'étais amené par Godard, je pense qu'ils étaient persuadés que je n'impressionnais rien. Et ils exigeaient, à la fin de chaque plan, un bout d'essai, ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on ne tournait pas le plan suivant tant que je n'avais pas montré un petit bout d'essai qui prouvait que le négatif était impressionné. Ça a été comme ça pendant 5 jours, ce qui était assez drôle. Cela dit, Jean-Luc Godard et eux ne se parlaient absolument pas. En plus de l'emporter financièrement, jamais Godard ne sera autant payé que pour ses 4 jours de tournage, il l'emporte sur le montage. Des 3 scènes supplémentaires exigées par la production, il n'en retient qu'une. La première, placée juste après le générique. Un plan-séquence de 3 minutes qui transforme la contrainte commerciale en audace formelle, inventive et pudique, soit l'une des plus belles scènes d'amour de l'histoire du cinéma. Brigitte Bardot et Michel Piccoli, Camille et Paul à l'écran, sont étendus sur un lit. Ils ont fait l'amour ou s'apprêtent à le faire. Il la regarde, allongée sur le ventre, fesses emblématiques offertes au regard, caméra, fleur de peau. Brigitte Bardot est détaillée pièce à pièce, membre à membre, comme autant de blasons fétichistes. Une réponse ironique de Jean-Luc Godard à ses producteurs voyeurs, poétique aussi. Le dialogue amoureux, recouvert pudiquement par la musique de Georges Delerue, le célèbre thème de Camille, devient un hymne au corps féminin. Et Dieu créa la femme. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui. Très. Ça va. Et mes seins? Tu les aimes? M'aime totalement. Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi, Paul. Cette séquence, réalisée à reculons en décembre 1963, devient la plus célèbre du film. Un geste magistral et empreint de tristesse qui augure, dès les premières minutes du mépris, le paradis perdu de Camille et de Paul. Elle annonce aussi la couleur. Des filtres rouges, blancs et bleus recouvrent successivement l'image. Couleurs primaires, primitives, qui reviendront sans cesse. Le mépris peut commencer. Le 15 avril 1962, un an avant le début du tournage, le producteur exécutif Georges de Beauregard annonce officiellement à la presse le nouveau projet de Jean-Luc Godard, Le Mépris, adaptation du roman italien d'Alberto Moravia, publié en 1955. Une proposition du réalisateur lui-même, qui à 32 ans, y voit l'opportunité de réaliser son premier et unique film à gros budget. Et tout y est, une production internationale, une réalisation ambitieuse et un auteur à succès. 5 romans de Moravia, en effet, ont déjà été adaptés au cinéma. Et en cette année 62, 3 autres sont en préparation. Le Mépris, c'est l'histoire d'un intellectuel en crise qui doit mettre ses ambitions de côté pour rembourser ses dettes. Il est chargé par un producteur sans scrupules de recadrer le scénario d'une superproduction, adaptation de l'Odyssée version Peplum, qui semble dans un chaos total. Ses problèmes d'argent s'en vont, comme sa femme, qui s'en va aussi. Elle a cessé de l'aimer, elle le méprise. Si Godard, dans son franc-parler légendaire, parle d'un vulgaire et joli roman de gare, le sujet lui colle à la peau. Parce que Le Mépris, c'est l'histoire d'un film qui se fait. L'occasion pour le réalisateur de décrire de l'intérieur les mœurs d'un milieu aux relations ambiguës, tiraillées entre l'appât du gain et l'impératif artistique. C'est aussi l'histoire qu'un couple qui se défait. Comment, brusquement, cesse-t-on d'aimer? Pour Jean-Luc Godard, la question est quasi autobiographique. Marié depuis plus d'un an avec l'actrice danoise Anna Karina, il sent que sa femme, sa muse, lui échappe. « Quand je veux savoir où j'en suis avec une femme, dit-il, je fais un film. » Pour jouer ce couple à la dérive, il pense aux acteurs américains Kim Novak et Frank Sinatra. Le producteur italien Carlo Ponti lui propose en bon mari sa femme, Sophia Loren, qui jouera avec Marcello Mastroianni. Finalement, tous se mettent d'accord sur Brigitte Bardot, initiale bébé. À 29 ans, c'est tout simplement la star du moment, capable d'un mouvement de jambes de rassembler les spectateurs du monde entier. Et puis, Bardot-Godard sur une même affiche, la rencontre est improbable, prometteuse. Lui, emblématique de la nouvelle vague, dandy ironique et surdoué, qui ne cesse de bouleverser les codes du cinéma depuis À bout de souffle, qui l'a rendu célèbre. Depuis, chacun de ses films crée le débat. Elle, au contraire, c'est l'incarnation du cinéma traditionnel français, la femme la plus photographiée, la plus désirée de la planète. Un duo gagnant-gagnant. Avec Bardot, Godard assure le financement de son film. Elle y voit l'occasion de gagner ses galons d'actrice, une forme d'aura artistique. En recevant le scénario du Mépris, elle se serait exclamée de sa voix inimitable « Chouette, je fais partie de la nouvelle vague ». Sur le plateau de l'émission Pour le plaisir, diffusé en janvier 1965, le réalisateur revient sur les principales difficultés qu'il a rencontrées avec Bardot. Les deux seuls problèmes vraiment que j'ai eu avec elle, c'était lui faire arriver à lui faire mettre sa jupe en dessous du genou. Et ça, j'y suis absolument pas arrivé. Alors je l'ai, la majeure partie du temps, ou bien je l'ai mis dans un peignoir, ou bien au contraire, je l'ai cadré à mi-poitrine. Oui. Et puis lui faire baisser sa choucroute, enfin, son truc immense. Ouais. Alors ça, on a eu, c'était difficile. Et comment vous avez fait alors? Là, un jour, je lui ai demandé, c'était un capri, et puis je lui ai dit, mais, écoutez, non, bri-bri, enfin, ayez confiance en moi, ça. Et puis, il faut quand même, c'est trop grand. Ça fait au moins 15 cm votre truc au-dessus du front. Est-ce que si je marche 15 mètres sur les mains, enfin disons, est-ce que si je marche sur les mains, est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'un centimètre votre coiffure? Ben, elle dit oui, puis alors, ben voilà, j'ai fait ça. Si pour l'affiche publicitaire Bribri suffit, le reste du casting est tout aussi prestigieux. Pour jouer Paul, le mari scénariste, Godard choisit Michel Piccoli. À 38 ans, c'est un acteur confirmé, mais encore méconnu, cantonné au second rôle. Godard dit de lui, et c'est chose rare, qu'il est un très très bon acteur. Dans le rôle du producteur américain sans scrupules, il pioche dans la cinéphilie américaine Jack Palance, visage de loup et carrure d'athlète. Face à lui, pour jouer le réalisateur de l'Odyssée, le film dans le film, ce n'est autre que Fritz Lang, oui, dans son propre rôle, le légendaire cinéaste allemand naturalisé américain depuis 1935. À eux deux, ils représentent les rapports conflictuels entre Hollywood et les réalisateurs européens expatriés, avec pour décor la Cinecittà romaine, vidée et en ruine, ex-capitale des peplums et des westerns. Le 22 avril 1963, c'est ici que commence le tournage du Mépris. Michel Piccoli, alias Paul, est accueilli par Georgia Moll, qui joue le rôle de Francesca Vanin, la traductrice. C'est elle qui met en relation toutes les langues parlées dans ce film, devenant ainsi l'intermédiaire des personnages. Elle présente Paul au producteur américain Jeremy Procoche, qui le charge de remanier dans un sens, disons, plus commercial, une version de l'Odyssée qu'un Fritz Lang fatigué est en train d'achever. Après une première projection de travail conflictuel où les boîtes de pellicules sont balancées à terre, Paul rejoint sa femme Camille. Dans une Rome écrasée par la canicule, Brigitte Bardot apparaît, souriante et aimante, bandeau bleu dans les cheveux. Et c'est maintenant au tour de Paul de lui présenter Jeremy Procoche. Au volant de son Alfa Romeo rouge, l'Américain la dévisage, la séduit sans manière. Paul ne réagit pas, maladroit, opportuniste ou lâche. Camille pense qu'il veut le pousser dans ses bras. Quand je terminerai, let's have a drink at my home. Yes or no? Monsieur Procoche vous invite chez lui à prendre un verre. Oui ou non? Je ne sais pas. She doesn't know. You know perfectly well. Il dit que vous le savez très bien. Paul! Oui, je prendrais bien un verre de quelque chose. Paul would like to have a drink. Include me out. Allons-y si tu veux. Get in. S'il vous plaît. Asseyez-vous, madame. Paul, you won't be comfortable back here, so why don't you take a taxi? Vous ne serez pas confortable. Bon, d'accord. Allez-y, or if you wait for me, I'll come back for you. Voyons, monsieur Procoche, je reviens vous. Non, allez-y, je prends un taxi. Écoute, ce sera plus simple qu'ils partent devant et qu'on prenne tous les deux un taxi. Come on, let's go. Décidez-vous. Bon, allez, vas-y. Vas-y, allez, laisse-moi. Est-ce à ce moment précis que Camille a cessé d'aimer Paul? Une scène sans rame, fugace, un dixième de seconde et pourtant tout bascule. Le sujet du Mépris, ce n'est pas autre chose. Regardez ce qui s'est passé dans un couple, non pas pendant des années, mais pendant ce temps infime, opaque. Godard utilise le cinéma, comme d'autres, le microscope ou le bistouri, pour interroger ce que l'on ne peut voir à l'œil nu. Autrement dit, comment peut-on passer de la méprise au mépris en une fraction de seconde, entre deux plans, dans un raccord invisible? Dans cette enquête sur un sentiment, il faudra revenir plusieurs fois sur le lieu du crime, rejouer inlassablement la même scène entre Camille et Paul. Il n'y a pourtant pas grand-chose à comprendre. Le mépris est une tragédie contre laquelle on ne peut rien. Dans le scénario du film, Godard parle de ce couple comme un courant alternatif discontinu. Camille, écrit-il, agit par instinct vital, comme une plante qui a besoin d'eau pour continuer à vivre. Le drame entre elle et Paul, son mari, vient de ce qu'elle existe sur un plan purement végétal, alors que lui vit sur un plan animal. À travers ses personnages, le réalisateur explore ainsi les limites de la parole, sujet godardien par excellence. Malgré tous les efforts de Paul, ces deux-là ne peuvent se comprendre. Pas le même monde, pas le même rythme. Un drame qui atteint son apogée au milieu du film, lors de la célèbre scène de la dispute, longue de 25 minutes. Un morceau de bravoure, réalisé en 5 jours seulement. Dans leur appartement romain, au canapé rouge, Piccoli et Bardot vont de pièce en pièce, s'habillent, se déshabillent, prennent un bain, un tour de rôle, s'agressent, s'assènent des phrases toutes faites. La caméra les suit, les précède, les oppose, les sépare, tournant sur le palier, entrant et sortant des pièces. La technicité du chef opérateur, Raoul Coutard, est à son apogée, virtuose. Au micro de France Inter, il raconte son duo avec Jean-Luc Godard. Ils tourneront au total 16 longs-métrages ensemble. Jean-Luc, parmi les metteurs en scène que j'ai fréquentés, est un de ceux qui connaissent très bien la technique. C'est-à-dire que donc on peut lui parler de choses précises, Et s'il a envie, de, parce qu'il faut qu'il ait envie, s'il a envie de l'entendre, il l'entend. S'il n'a pas envie, bien sûr, il fait l'andouille en disant qu'il ne comprend rien. Mais il sait très très bien de quoi il s'agit. Alors on peut donc lui dire, bon, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça, pour telle et telle raison. Et il y a au moins un avantage aussi avec lui, c'est que si par exemple il a vraiment envie de faire les choses, par exemple sans lumière, et d'une manière très compliquée et aléatoire, on sait que de toute manière, si c'est pas bon, on le refera. Alors que, mais ça tient surtout à son système de tournage. Durant le tournage de cette scène de dispute, Godard enfiévré, totalement habité par ses dialogues, car ce sont les siens avec Anna Karina. L'actrice d'ailleurs dira à plusieurs reprises avoir littéralement reconnu ses mots. La perruque noire que Bardot met à un moment donne encore plus de vérité intime à ses échanges, tout comme les vêtements que porte Michel Piccoli. Godard, en effet, lui a donné ses habits, son chapeau et même ses chaussettes. À la fin du mois de mai 1963, l'équipe du Mépris quitte Rome. Camille et Paul, eux, sont au bord de la rupture lorsque le producteur Jerry Procoche les invite à Capri, là où doit se poursuivre le tournage de certains plans de l'Odyssée. Ciel bleu azur, soleil jaune, falaise à la verticale plongeant dans la Méditerranée, le paysage est un personnage qui annonce les cataclysmes à venir. Ils ont tous les mêmes manières de peser au creux de nos. Les mêmes manières, les hommes endormis. Ils ont tous le même visage, serein, détendu, rajeuni. Le même visage, les hommes endormis. Capri pour le tournage des extérieurs du Mépris, adaptation cinématographique d'un roman d'Alberto Moravia par Jean-Luc Godard. Attenzione! Brigitte Bardot, c'est la fille. Brigitte Bardot, c'est la fille la plus photographiée du monde. Le monde entier photographie la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Le monde entier photographie Brigitte Bardot. Il existe une certaine presse qui n'est pas bien élevée. Il existe une certaine presse qui la porte fermée, regarde par le trou de la serrure et raconte ce qu'elle a vu même si elle ne voit rien. Et elle produira des photos. On arrive toujours à faire dire à une photo ce que l'on veut qu'elle dise. L'essentiel est d'avoir la photo. Cette nécessité a donné en Italie naissance à de curieux personnages appelés... Attenzione! Action! Marcello! Come here! Hurry up! Capri, mai 1963. Paparazzi, le mot vient de naître, tiré de Paparazzo, le jeune photographe de la Dolce Vita, film de Fellini sorti 3 ans plus tôt. C'est aussi le nom du court-métrage de Jacques Rosier. L'archive que vous venez d'entendre en est extraite. Court-métrage réalisé en marge du tournage du film de Jean-Luc Godard, Le Mépris. Il filme son actrice principale, Brigitte Bardot, qui de Rome à Capri, en passant par Spergolonga, est poursuivie en permanence par une meute de photographes et de journalistes, à l'affût du moindre cliché, ragot, rumeur. À Rome, il grimpe partout, escalade les murs, les balcons. À chacun de ses déplacements, la foule trompette « La Brigitta » et se presse autour d'elle en rang serré. 300 journalistes autour du plateau à Cinecittà. La pression est effrayante. Le travail empêché. Alors, pour désamorcer l'hystérie, l'attaché de presse de Brigitte Bardot organise une conférence de presse. Les paparazzi sont rassasiés. Pour un temps seulement. Car à Capri, ce n'est pas fini. Il se cache désormais dans les rochers, téléobjectif braqué sur la Villa Malaparte. Signe demeure peut à elle seule incarner le cinéma, c'est bien le refuge mythique de l'écrivain Curzio Malaparte, maison la plus étrange du monde occidental, selon Bruce Chatwin. Située en haut d'une falaise de 32 mètres, dominant la baie de Capri, elle surgit de la roche comme un monolithe de science-fiction. Un bloc de stuc rouge tout entier constitué d'un escalier gigantesque à ciel ouvert qui s'élance d'une seule et large volée vers une terrasse brûlée de lumière. Aztèque ou grec, la villa semble remonter à la plus haute antiquité. Et c'est donc dans ce décor sans âge que Godard fait dialoguer Capri et les dieux, les statues et les hommes. Camille et Paul, joués par Brigitte Bardot et Michel Piccoli, se retrouvent donc à Capri sur invitation du producteur Jérémy Procoche, joué par Jack Palance. Ils s'installent pour quelques jours dans sa demeure, la Villa Malaparte donc, située à proximité du lieu de tournage de l'Odyssée, le film dans le film. Tandis que Paul, scénariste appelé à la rescousse, cherche à gagner l'estime de Fritz Lang, sa femme Camille le méprise chaque jour un peu plus. C'est à ce moment-là du film que Godard finit d'unifier son récit. Le monde antique d'Homère et le monde moderne ne font plus qu'un. Dans son scénario, Godard explique que c'est le personnage de Fritz Lang qui, à travers son monocle, est le trait d'union morale qui relie l'Odyssée d'Ulysse à celle de Camille et de Paul. S'il avait été heureux, il ne serait pas parti. Or, il profite de la guerre de Troie pour fuir sa femme. Et les prétendants, alors, il les a bien tués, non ? On peut le justifier. On peut le justifier par le fait qu'au début, Ulysse a dit à Pénélope de se laisser faire la cour et d'accepter des cadeaux. Il ne considérait pas les prétendants comme des amoureux sérieux. Et il ne voulait pas les chasser par peur du scandale. Alors, je pense qu'à ce moment-là, Pénélope, qui dans le fond, c'est une femme simple, elle s'est mise à le mépriser. Elle a découvert qu'elle avait cessé de l'aimer à cause de la conduite d'Ulysse. Et elle le lui a dit. Alors Ulysse, à ce moment-là, s'est aperçu trop tard qu'il avait perdu l'amour de Pénélope à cause de sa trop grande prudence. Le tournage du Mépris à Capri dure 8 jours et se déroule comme il a commencé, sans problème particulier entre le réalisateur et ses acteurs. Bon, il y a bien le cas de Jack Palance. L'acteur américain s'investit beaucoup dans son rôle pour donner à son personnage une interprétation habitée. Et c'est bien ce qui gêne Godard. Il ne veut pas avoir les traces du métier, ce jeu à effet propre à l'acteur studio hollywoodien. Pour une simple entrée de plan, Palance doit recommencer la prise 25 fois sur tous les tons du murmure au hurlement. L'équipe de tournage le prend rapidement en grippe et au bout de quelques jours, il ne parle plus qu'au chef machiniste qui ne connaît lui-même qu'une dizaine de mots en anglais. Michel Piccoli dira qu'il y avait 3 clans sur le plateau de tournage, 3 familles. Celle de Piccoli, Godard et Fritz Lang, celle de Bardot et de sa bande d'amis qui l'accompagnaient, et Palance, tout seul. Jean-Luc Godard est tout de même arrivé à créer une certaine osmose. Encore fallait-il comprendre son langage, comme en témoigne Michel Piccoli au micro de France Inter en 1981. Et si on n'est pas extrêmement attentif, extrêmement chaleureux vis-à-vis de ce comportement de Godard, qui est un être tellement d'acier, écorché, précis, une espèce d'autorité comme ça, nerveuse, alors on peut être tout à fait refroidi, tout à fait. Il faut vraiment, avec Godard, lui apporter énormément pour accueillir ce qu'il peut vous donner, car il peut donner énormément. Dans le fond, c'est un type extrêmement généreux, d'une tendresse fantastique, d'une émotion, d'une générosité, d'une intégrité formidable. Mi-juin, le tournage à Capri est terminé. Les scellés sur la Villa Malaparte sont reposés. Depuis la mort de son propriétaire, 6 ans auparavant, elle appartient désormais à la République populaire de Chine. Le film, lui, touche à sa fin. Michel Piccoli, alias Paul, surprend bientôt un baiser entre Camille et Jérémy Procoche et refuse désormais d'écrire le scénario commandé. Mais il est trop tard. Camille part avec Procoche à Rome en Alfa Romeo. Quelques kilomètres plus loin, ils meurent tous les deux dans un accident de voiture. Paul fait ses adieux à Fritz Lang, qui termine son tournage lors d'un plan mis en place par son assistant, joué par Jean-Luc Godard himself. Oui, une apparition toute hitchcockienne. Dernier mot du film, silencio. Allô ? Allô, Jean-Luc Godard pour la RTF. Oui, ne quittez pas. Allô ? Allô, Jean-Luc Godard. Oui ? Ce soir sort votre film Le Mépris. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait et de la version qui sort ce soir ? Ah oui, moi je suis toujours content. Quand je signe quelque chose, j'honore toujours ma signature. Oui, vous avez manifesté l'intention de ne pas signer ce film. Ah non, pas. J'ai retiré mon nom de la version italienne parce qu'elle avait été complètement changée, mais en France, il n'y a rien eu. J'en ai eu le contrôle jusqu'à la fin et j'en suis très content. Je crois que vous avez dit vous-même que ce film était très différent de vos précédents. Oui et non. Je pensais ça au départ, finalement. Tout se ressemble et tout diffère toujours. S'il y a une différence, en quoi est cette différence ? Il a coûté plus cher. Après le retournage de trois scènes supplémentaires en novembre 1963, dont nous vous avons raconté l'histoire en début de récit, Le Mépris sort finalement le 22 décembre 1963 dans 5 salles parisiennes. Les fesses de Bardot, tant voulues par la production, lui valent les foudres de la censure. Et le film est interdit aux moins de 18 ans. Est-ce là qui décourage les foules ? Toujours est-il que ce n'est pas un franc succès. 235 000 entrées en 9 semaines d'exploitation. Bon, c'est plutôt bien pour un film signé Jean-Luc Godard. Nettement moins pour un film avec Bardot. Cette année-là, les Français préfèrent aller voir La cuisine au beurre de Gilles Grangier ou Les tontons flingueurs de Georges Lautner. Pour le réalisateur Michel Audiard, la nouvelle vague est morte. Et l'on s'aperçoit qu'elle était au fond beaucoup plus vague que nouvelle. Délicat également côté critique. Si Le Mépris n'est pas lynché, comme a pu être le précédent film de Godard, Les Carabiniers, ils ne sont pas nombreux à en mesurer sa portée esthétique et son importance dans l'œuvre du réalisateur. Ainsi, le critique Robert Benayoun, dans les pages de France Observateur, croit voir dans ce film une double page de Playboy insérée dans une thèse de Cancre sur Homère. Dans La Croix, Jean Rochereau se demande comment certains peuvent encore prendre au sérieux ce gentil potache qui manifestement ne deviendra jamais adulte. Enfin, Le Canard Enchaîné raille le premier film en fescolore. Mais au-delà de cette rumeur ironique et sceptique, il y a quelques analyses de plus haute volée, Louis Aragon en tête. L'écrivain et poète communiste, directeur des lettres françaises, écrit un vibrant hommage à Jean-Luc Godard. Article qu'il conclut sur ces mots. Tiens, on demandait du génie, eh bien le voilà le génie. Quelques mois après la sortie du Mépris, Jean-Luc Godard retrouve son acteur Fritz Lang avec qui il enregistre un dialogue pour la célèbre émission cinéaste de notre temps. Cela s'appelle « Le dinosaure et le bébé ». Et l'on se dit que c'est exactement là, entre les deux, que se situe à présent Jean-Luc Godard. Le Mépris est tout autant une dernière œuvre d'enfance que le premier film d'un homme parvenu à l'âge adulte. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le Mépris est l'histoire de ce monde. Got you. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le mépris de Jean-Luc Godard. Notre invité, Alain Bergala, bonjour. Bonjour. Voilà, vous m'entendez bien, c'est parfait. Je vous entends. Je vais vérifier ça parce que vous êtes en duplex de Marseille. Vous êtes réalisateur et critique de cinéma, spécialiste de l'œuvre de Godard, et vous êtes notamment l'auteur de Godard au travail, les années 60, édité au cahier du cinéma, c'était en 2006. Pour commencer, une question toute simple, adressée aux critiques que vous êtes. Aimez-vous le mépris? Si oui, pourquoi? Ben sinon, pourquoi au cinéma? Quand je réfléchis, quand on me demande quel est le film de Godard que je préfère, j'hésite toujours entre Pierrot le fou et le mépris. Mais très souvent, je balance plutôt du côté du mépris. Pourquoi ? C'est le film le... Comment dire ça ? C'est le film le plus rond, le plus parfait de Godard et, j'ai envie de dire, le plus musical. C'est un film qui n'a d'habitude, Godard, dans les années 60, casse un peu ses films, ou les trous. Le mépris est un film ni cassé ni troué. C'est un film, oui, il a eu à cœur d'en faire un très bel objet, mais qui n'est pas évidemment qu'un objet. En tout cas, il a cette forme parfaite qui tient en l'air tout seul. Il n'y a pas d'autres films de Godard qui tiennent en l'air tout seul comme une sculpture. C'est pour ça que vous dites rond aussi, j'ai bien aimé ce terme. Vous dites c'est un film rond, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que d'habitude, les films de Godard sont plutôt aigus, avec des arêtes tranchantes. Mmh. Ça, c'est un film rond qui voilà, qui est, je ne dirais pas lisse, mais en tout cas, très bel objet. Voilà, donc on vient de voir quelle place tient le mépris dans l'œuvre de Godard, et quelle place tient Godard dans l'histoire du cinéma français, finalement, avec le recul comme ça. Finalement, si on pense à la Nouvelle Vague, c'est clair que Godard a été immédiatement celui qui a réinventé le plus de choses au cinéma. Truffaut a fait des films magnifiques, j'adore Truffaut, mais Godard a été le plus grand inventeur de formes depuis très très longtemps dans le cinéma français. Et il l'est resté, étrangement, Godard est aujourd'hui encore celui qui invente le plus de formes nouvelles dans le cinéma. Alors, la reconnaissance auprès de ses pairs en France est énorme, évidemment, mais à l'étranger également, on pense à David Lynch, par exemple, qui lui rend un hommage dans Mulholland Drive, parce que le dernier mot du film, c'est « Silencio ». Non, c'est clair que Godard a été un cinéaste de cinéastes. C'est-à-dire que beaucoup de cinéastes, y compris des générations suivantes, ont compris que c'était là qu'il fallait trouver de nouvelles formes, de nouvelles idées, de nouveaux rythmes. Et donc, il est très... Partout où on va dans le monde, et si on parle avec des cinéphiles ou des cinéastes, très souvent, presque tout de suite, Godard arrive en premier. Comme source d'inspiration, comme envie de tourner. Alors, on va revenir sur le mépris, puisque c'était quand même l'objet de notre récit. Il est novateur, alors il est rond, vous avez dit, effectivement, il n'est pas anguleux comme les autres, donc c'est un objet différent. Il est novateur aussi sur l'image et la couleur du film. Enfin, Godard avait déjà travaillé sur la couleur et sur le scope, hein, avec Une femme est une femme, mais... Il met un soin particulier là quand même, hein. Ah oui, là, c'est surtout un soin de palette et un soin de choix. Comment travailler la couleur? Bon, Godard a toujours pensé que la couleur ne se travaillait pas en post-production. Il a toujours pensé que la couleur, si on devait la travailler, c'était par rapport à ce qu'on mettait devant la caméra. C'est-à-dire des couleurs pures et vives. Et il arrivait souvent à Godard sur les tournages d'avoir des pots de peinture avec lui. Et, par exemple, s'il y avait un petit détail qui ne lui plaisait pas, il le repeignait lui-même en rouge ou en bleu ou en jaune. C'était un peu ses couleurs préférées à l'époque. Mais c'est une esthétique de l'aplat, si vous voulez. Godard, quand il compose un plan, quand il cadre un plan, le compose à partir de rectangles de couleurs, très souvent. Et Godard, en plus, étant très myope, quand il veut voir si le plan va être bien, il enlève ses lunettes. Ce qui fait qu'il ne voit plus les détails, il ne voit plus que les surfaces colorées. Et donc ? Et ça lui permet de voir si, pour lui, le plan tient debout. D'accord. Par rapport à une idée très très haute qu'il a de ce que c'est que faire un plan de cinéma. Godard, La force de Godard, une des forces de Godard, c'est que Godard n'a jamais fait un plan médiocre ou un plan dont il ne serait pas content. Si Godard n'est pas content d'un plan, soit il ne le tourne pas, s'il voit que ça ne va pas être inspiré, soit il le retourne autrement. En tout cas, Godard ne fait jamais ses plans moyens que tous les cinéastes sont obligés de faire. C'est-à-dire, le film a besoin de plans, donc les cinéastes les tournent. Parfois, ils sont très inspirés, parfois pas. Godard n'a jamais mis dans un de ses films un plan dont il pensait qu'il n'avait pas la tenue que lui exige. Il emploie le mot. Hein, il dit voilà, la tenue du plan, pour lui, c'est un critère essentiel. Alors, ce perfectionnisme, il peut renvoyer au perfectionnisme d'autres cinéastes, comme Kubrick, par exemple. Je vous dis ça parce que la scène très très forte de la dispute dans Le Mépris, qui dure longtemps, elle peut renvoyer aussi dans son perfectionnisme et dans le côté indémodable des scènes de dispute de couple. Hein, cette scène magnifique de Eyes Wide Shut entre Tom Cruise et Nicole Kidman, où là, on est vraiment là dans un couple, dans l'intimité d'un couple qui se fracture. De ce point de vue-là, là encore, Godard, pour filmer une rupture, a ouvert des voies, a ouvert une voie. Ah ben cette séquence est absolument extraordinaire. Godard sait qu'il est en retard sur le tournage et il sait qu'il faut qu'il tourne 20 minutes en une semaine parce qu'après Bardot part. Et donc, mais il dit, il s'inquiète pas parce qu'il a l'habitude, c'est pareil dans tous les films. Il dit, vous inquiétez pas, je ferai 20 minutes en une semaine, trouvez-moi un décor, une maison blanche, enfin, un appartement blanc. Beach trouve cet appartement qui est vide. Et Godard arrive, il dit, voilà, je vais mettre du rouge là, je vais mettre du bleu là, je vais mettre deux miroirs, je vais mettre une statue. Et à partir de là, commence une scène qui est totalement extraordinaire si on aime le cinéma. Et Godard a un programme caché dans cette scène. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, pour s'amuser, en plus du fait de tourner la scène et les dialogues, il se donne un programme à lui qui est le suivant. Je vais, chaque jour, parcourir une étape de l'histoire du cinéma. Et il commence par des plans fixes, où la caméra n'a pas le droit de bouger, c'est les personnages qui entrent et qui sortent. Mmh. Ensuite, il passe au découpage, c'est la fameuse scène de la gifle, comme ça, où là, il passe du visage au pied. Ensuite, il passe à Orson Welles. La caméra remonte sur le tableau pendant que Piccoli tape à la machine. Et il finit aujourd'hui, en 63, c'est-à-dire le cinéma le plus moderne de l'époque, c'est-à-dire un dispositif. Une lampe qui s'allume et qui s'éteint, deux personnages autour et un travelling aléatoire. C'est-à-dire le travelling, Godard ne décidait pas si, à quel moment, il allait être sur Piccoli ou il allait être sur Bardot. Et bon, en 63, le cinéma du dispositif est l'art moderne du cinéma. Et il se tient à ce programme. Il se tient à ce programme, c'est-à-dire que si on veut comprendre l'histoire du cinéma, il suffit de regarder ces 20 minutes et on en a toutes les étapes principales dans l'ordre. Mais après vous avoir entendu, on reverra la scène de façon différente. Qu'est-ce qu'on sait des relations entre Brigitte Bardot et Jean-Luc Godard pendant le tournage de ce film, entre ces deux figures si différentes, l'intellectuel qui peut se montrer méprisant et hautain parfois, et Brigitte Bardot, on va dire, toujours en simplicité. Bon, Godard adore les stars. Et chaque fois qu'il a une star dans son film, ça sera le cas d'Alain Delon plus tard, et de Johnny Hallyday, puisque le rapport avec Johnny Hallyday a été aussi un rapport de star à star. Mmh. Godard avait beaucoup de respect pour, disons, le personnage de Johnny Hallyday. Ça se passe toujours bien, dans la mesure où il y a du respect mutuel et de la crainte un peu mutuelle. C'est-à-dire, Bardot avait très envie d'être dans un film de Godard. Godard avait très très envie de faire tourner Bardot, qui avait été très importante et au cahier du cinéma. Quand Bardot est arrivé dans le cinéma français, ils ont tous eu envie un jour de tourner avec elle. Parce qu'elle représentait un nouveau corps, une nouvelle façon de parler, qui était le contraire des actrices françaises, disons, de ce que eux appelaient le cinéma de qualité française. Et pourtant, Godard n'était pas fasciné par le corps de Brigitte Bardot. Mais vous voyez comme il en parle, on a rappelé comment il en parlait. Qu'est-ce qui a attiré Godard d'avoir Bardot au-delà, on va pas être vulgaire, au-delà du corps et du côté bankable, évidemment. Il y avait d'autres motivations. C'était quoi les motivations? C'est évident quand on sait qu'il a voulu avoir Kim Novak. C'est la même chose. C'est-à-dire, Kim Novak, elle est totalement opaque. c'est un objet, elle aussi, et Bardot, à cette époque-là, est totalement opaque dans sa façon de parler, de dire les dialogues. Il n'y a jamais un gramme de psychologie, il n'y a jamais un gramme de volontarisme, d'expression, et c'est ce que Godard adore. Donc Godard, pour Godard, ce qu'à l'époque d'autres critiques considéraient comme des défauts de Bardot, pour lui, c'est des très grandes qualités. Il aurait eu horreur d'une actrice qui se serait mise à jouer. Acteur studio, quoi. Il voulait pas, surtout pas ça. Surtout pas du jeu volontariste, etc. Et elle est impeccable. Et c'est pour ça que l'arrivée de Bardot dans ce scénario change le scénario, la façon de le filmer. Puisque Godard dit, si j'avais eu un autre acteur et une autre actrice, j'aurais pu filmer les deux points de vue. Le point de vue de l'homme et le point de vue de la femme. Là, avec Bardot, il n'y a pas de point de vue. C'est un bloc. Et il adore ça. Alors, c'est pas anodin si Godard choisit de faire jouer Fritz Lang. C'est même assez étonnant, on va y revenir. Hein. Mais avant, je vous propose d'écouter, on va écouter ensemble une archive. C'était le 9 janvier 1964, peu de temps après la sortie du film. Ce jour-là, Godard est invité sur le plateau du Masque et la Plume, de France Inter bien sûr, et répond à un critique qui trouve justement peu réaliste d'avoir choisi Fritz Lang en réalisateur de Peplum. Pour moi, j'ai demandé à Fritz Lang de jouer son propre rôle. En fait, ça n'était pas exactement son propre rôle. Je lui ai demandé que les gens le prennent, en quelque sorte, pour le porte-parole du cinéma. Il représentait aussi bien Griffith que Eisenstein, que Cocteau, que, enfin, tout le cinéma. Et il ne parlait pas en son nom propre. Et sur lui, il ne joue pas son propre personnage. Ce n'était pas du cinéma vérité. Ceci dit, c'est lui qui a fait son dialogue. Je lui disais, il se passe telle et telle situation. Comment voulez-vous réagir à telle situation? Et suivant comment il réagissait, moi j'adaptais ensuite la situation. En ce qui concerne les plans de l'Odyssée qu'il est supposé avoir filmé, je lui avais dit, je tiens à filmer, je ne sais pas encore exactement ce que je vais filmer, vous serez déjà parti quand je les filmerai, et peut-être ça ne vous plaira pas. Alors, comment faire? Je vous propose, lui n'avait pas envie de les filmer non plus, parce que peut-être moi ça ne m'aurait pas plu, enfin je veux dire, ça n'allait pas dans le sens du film. Alors je lui ai dit, on va faire une chose très simple. Dans le film, je jouerai le rôle de votre assistant. Et si jamais les plans ne vous plaisent pas, ou qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas, vous pourrez toujours répondre, c'est des plans qui ont été tournés par mon assistant. Facétieux, hein. Facétieux. C'est très bien, oui, oui. Mmh. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Bon, je pense que c'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire que, évidemment, Fritz Lang, on ne peut pas lui attribuer les plans que Godard tourne de l'Odyssée ne ressemblent absolument pas à du Fritz Lang. Donc, au lieu de jouer une espèce de copie du cinéma de Lang, il fait des plans purement godardiens et il les attribue par jeu au personnage du réalisateur. Mais ce qui intéresse Godard, évidemment, c'est la stature de Fritz Lang dans l'histoire du cinéma et ses postures morales. Godard, évidemment, a la plus grande admiration pour un homme qui a quitté l'Allemagne le jour même où on lui a proposé d'être le patron du cinéma allemand. Il est parti très vite, c'est-à-dire qu'il était très respecté et il aurait pu devenir le cinéaste officiel d'Hitler. Et il est parti en courant et son exil aux États-Unis a été très très long. Évidemment, Godard est très admiratif de ça et aussi évidemment des films de Fritz Lang, pour Godard. Mais ça ne lui ressemble pas le cinéma de Fritz Lang. Mais oui, c'est pour ça que c'est étonnant. Oui, c'est-à-dire qu'il a aimé avant tout le personnage de Fritz Lang et ce qu'il représentait par rapport au cinéma, par rapport à l'histoire. Allemagne, États-Unis, c'est quelqu'un qui a tout traversé avec la plus grande dignité toujours. Et c'est ça que Godard évidemment essaye de faire sentir dans son film. Et ça va dans les deux sens évidemment, admiration. Sinon, c'est pas possible. Surtout que Fritz Lang était un peu en perte de vitesse. Fritz Lang n'arrivait plus à tourner. Enfin, il n'arrivait plus à tourner. Il avait du mal à produire ses films. Et le fait que Godard lui propose de venir tourner chez lui a été très, pour lui, très très important. Et je pense que même si on voit bien dans le film de la Barthe qu'effectivement leur méthode, leur façon de travailler sont diamétralement opposées. Il n'empêche que le respect de deux grands cinéastes l'un par rapport à l'autre est essentiel et évidemment Fritz Lang a bien vu que Godard était génial, comme lui avait pu l'être. C'est-à-dire qu'avec un cinéaste moyen, c'est clair que ça se serait beaucoup moins bien passé. Sinon, l'Alfa Romeo, l'Italie, les mini-jupes, les couleurs très prononcées, c'est un film profondément ancré dans les 60s, hein, le mépris, s'il fallait prendre comme ça quelques monuments culturels des années 60, ce serait un morceau de choix, non, le mépris, en tant que témoin de son époque. Tout à fait, et aussi, il y a une chose essentielle dans le mépris et dans Pierrot le Fou, c'est-à-dire que Godard est un homme du Nord, c'est un homme qui ne s'est jamais mis en maillot de bain sur une plage, je pense, à peu près. Et il est donc très, très éloigné de la Méditerranée. Il est très, très éloigné de ce que représente la Méditerranée. Et lorsqu'il va tourner deux films, Pierrot le Fou et Le Mépris, au bord de la Méditerranée, l'été, au soleil, c'est là où il est le plus inspiré. C'est-à-dire qu'il rencontre quelque chose qui est tellement différent de lui que ça lui donne une grande force d'invention du cinéma. Alors vous allez m'aider, puisque vous êtes un spécialiste et vous connaissez le cinéma bien mieux que moi, à décoder cette phrase de Godard à propos du mépris. Alors il dit dans son scénario, ce qu'il s'agit de faire, c'est de réussir un film d'Antonioni, c'est-à-dire de le tourner comme un film de Hawks ou d'Hitchcock. Explication de texte, s'il vous plaît. Oui. Bon, c'est pas très difficile. Godard, pour moi, évidemment, si. Non, Godard était quelqu'un qui était à la fois impressionné par les films d'Antonioni, mais qui c'était un rival. C'était un rival sur la question de la modernité. Godard pensait que c'était lui le plus grand en moderne. Et évidemment, quand il s'attaque au mépris, le sujet, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'incommunicabilité dans un couple. Et Godard a horreur de ce mot. Et il voit bien le challenge. Il doit faire un film sur un sujet antonionien et il doit se démarquer d'Antonioni. Et il doit faire du Hawks. Alors, la différence, si vous voulez, c'est oui, parce que jusque-là, j'avais compris, mais c'est quand on arrive à Hawks ou Hitchcock, le lien plus difficile peut-être à établir. Donc, qu'est-ce Hawks, qu'il veut dire ? Ouais. C'était le cinéaste le plus aimé au cahier du cinéma, c'est-à-dire Hawks tourne à hauteur d'homme, aucun effet. Il tourne de la façon la plus simple, immédiate, sans aucune marque d'autorité, si vous voulez, par rapport à ça. Et c'est ça, Godard reproche, en gros, pour aller vite, à Antonioni, d'être maniéré, de faire de l'esthétisme, de faire des choses, voilà, un peu trop jolies. Et ce qui est le contraire absolu du cinéma de Hawks. Hawks ne fait jamais joli, Hawks va droit. Il va droit, il filme droit ce qu'il est en train de filmer. Donc c'était une façon, de la part de Godard, de dire, voilà, je veux décaper cette question du couple qui se sépare, qui est une question éternelle au cinéma. Et comme il travaille sur un roman italien, il se dit, je veux surtout pas faire de l'Antonioni. Et il y a aussi l'idée un peu de lâcheté, comme ça. C'est-à-dire l'idée que lui filme un couple dans lequel la femme est un bloc et on ne saura jamais ce qui se passe dans sa tête. Jamais. Pendant tout le film, elle dit des choses contradictoires. On va conclure à la barbe là. Alors que chez Antonioni, parfois, il y a un peu plus de complaisance, j'ai envie de dire, dans le rapport au personnage. Très bien. Pardon de vous couper, Alain Bergala. Je suis vraiment désolé. Je vais pas faire ça, mais nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission. En tout cas, merci infiniment pour tous vos éclairages autour de ce film, Le Mépris. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Godard, Le Mépris, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Recherche et rédaction, Héloïse Daviau, Adrien Cara et Margot Pinel. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Fabrice L'Aigle. À la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos.